I reggae music, yeah. Bam biddy bam skim, yeah. Why you check ya? Why you check ya? Why ça couroille, couroille de gauche à droite non-stop? Sans savoir où ils s'en vont, mais ça veut se rendre au top. Aveuglé par le sans-vie comme un cheval, il galope. Mais c'est toute l'humanité qui en écope. Yeah, yeah, je suis la philosophie de Selassie, de Christ au Gandhi ou bien de Bob Marley. L'univers est éternel, mais le monde se fait plus petit. C'est l'unité qui fait la force, écoute donc et si je te dis 40 000 ans d'évolution, mais l'homme reste un bandit. Ne sait prendre aucun reproche, son épée ou son fusil. La misère est relative, à chacun c'est ça qu'on dit. Mais ça reste l'inégalité qui crée tous les conflits. Parce que le peuple est trop donné, manque de jugement et joue avec le feu donné. Faut qu'à tout bout de charme, si c'est ce que tu veux donner. Maudit les ceux qui marchent pas drette, les fautes emprisonnent ceux qui commettent. Again, why fuck the two et puis garde la tête haute. Pas le temps de s'asser puis d'ignorer tous les problèmes des autres. Why, passe à ton âme et passe demain que ça se passe. T'as plus le temps de tasser, passe comme des dés que tu brasses. Parce qu'ils sont donnés, manque de jugement et joue avec le feu donné. Fuck à tout bout de charme, si c'est ce que tu veux donner. Maudit les ceux qui marchent pas drette, les fautes emprisonnent ceux qui commettent. Again, ils sont donnés, manque de jugement et joue avec le feu donné. Fuck à tout bout de charme, si c'est ce que tu veux donner. Maudit les ceux qui marchent pas drette, les fautes emprisonnent ceux qui commettent. Yo, tous ceux qui taxent puis qui volent, le fondation vient molle. On a bien vu que l'aluminium avec le feu ça vient dol. Les premiers sont les derniers, ça tue comme un poule colle. Yo, Babylone n'est pas sans jugement, tel dans la bonne école. Yo, qu'est-ce qui t'appartient, c'est à toi. Qu'est-ce que les autres ont gagné, t'es bien mieux laisser douceier. L'envie contrôle les faibles, pis c'est quelque chose qui va rester. Fait que si tes mains sont sales, boy, va dans les laver. Yo, yo, parce que l'œuf toi et puis garde la tête haute. Pas le temps de s'asser puis d'ignorer tous les problèmes des autres. Boy, pense à ton âme et passez demain que ça se passe. T'as plus le temps de tasser, passe comme des dés que tu brasses. Parce qu'ils sont donnés, manque de jugement et joue avec le feu donné. Fuck à tout bout de charme, si c'est ce que tu veux donner. Maudit les ceux qui marchent pas drette, les fautes emprisonnent ceux qui commettent. Again, ils sont donnés, manque de jugement et joue avec le feu donné. Fuck à tout bout de charme, si c'est ce que tu veux donner. Maudit les ceux qui marchent pas drette, les fautes emprisonnent ceux qui commettent. Again. Bamidi bam skim, yeah. I reggae music, yeah. Ooh, yeah.